s'habille. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout est comme hier, mais arrête tes manières. Il faudrait que j'arrive à te parler, ma dérive, machine en arrière. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Machine en arrière, contre le passé, y a rien à faire. Regarde-moi, regarde-moi, mon ego est en toi. Pourquoi fermer les yeux? J'ai besoin de nous deux. Tu me dis qu'il faut y croire, que finissent ces histoires. Rêver et dormir sans plus aucun soupir. Machine en arrière, qu'est-ce qu'on peut y faire? Machine en arrière, contre le passé, rien à faire. Contre le passé, y a rien à faire.